L'autre jour, malgré maman, pour m'tal parler pour vous, parce que vous doit fréquent. Et même, il déclaré, si tel maladie, yo vend moi dans le marché. Son seul bagaille pour me faire, c'est l'aile tombée troisième, c'est mettre qui croise au lit. Le sal a respecté, la vie l'a adoré, la page genou d'un pied. Et un jour, il vient par lui dire bonjour chérie. Moi-même, tellement saisi, m'oblige pas à parler. Après, vite rencontrer, il tombe et embrasse, moi fais déclaration. Moi, je suis tellement content, mal tombé non piquant, juste la ruelle piquant. Moi, je suis tellement vexé, moi monté ma tissant, mal et la caille sans son. Tombé fait mauvais sang, tombé craché sang, vine convalescent. Ils ont fibré, mais et puis ils se voient. Ils commencent à nous voler pour brésiller. Monsieur Patti, que m'a prié. Ils aiment moins connaître ça, m'a passé. Ils ont fibré, mais et puis ils se voient. Ils commencent à nous voler pour brésiller. Et puis, quand vous êtes voisinage, quand vous mettez votre tripotage, et avec côté ça, mon appétit, si vous m'aimez, ma vie chérie. Et puis, quand vous êtes voisinage, quand vous mettez votre tripotage, et avec côté ça, mon appétit. Si vous m'aimez, ma vie chérie, gardez qui j'en vous fait ma prévoque. Et ma chérie, vous connaissez mes. Tout ça, vous voulez, ma passe telle. Et dis-moi un petit mot pour me consoler. Et gardez qui j'en vous fait ma prévoque. Ma chérie, vous connaissez mes. Tout ça vous voulez, il m'a passé telle. Et dis-moi un petit mot pour me consoler. Et lui, quand on coupe des voisinages, il m'a prêté au tatribotage. Il m'a écouté ça, mon appétit. Si vous me réveillez, ma vie chérie. Et lui, quand on coupe des voisinages. Capete on a tripotage, il va coûter ça mon appétit.

Brésilien, mon copain, Brésilien. Allez, qu'il est oui, mais n'a pas aller. Qui monte ma joie pour consoler. Brésilien, mon copain, Brésilien. Brésilien, mon copain, Brésilien. Allez, qu'il est oui, mais n'a pas mourir. Qui monte ma joie pour consoler. Brésilien, mon copain, Brésilien. Brésilien, mon copain, Brésilien. Il faut courage.